Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. You'll turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Protestante pour ce 4e épisode de la mécanique des ondes. Le concept de l'émission, très simple et vous commencez à le connaître, c'est donner la parole aux grands de la bande FM. Qui sont-ils? Comment ont-ils commencé à la radio et quelle est leur vision du média? Aujourd'hui, je reçois Franck Lanoux, directeur délégué du groupe Next Radio TV et directeur général de RMC. Franck Lanoux, bonjour. Bonjour Cécile. Alors, vous êtes au micro d'une radio associative et j'ai envie de vous demander si ça vous rappelle des souvenirs. Oui, parce que la première radio pour laquelle j'ai collaboré, c'était une radio qui avait un fondement associatif. Elle s'appelait RFM. Moi, j'ai commencé en 82, d'un point de vue professionnel, je serais tenté de dire, à faire de la radio. Et donc, en effet, à l'époque, la loi n'existe pas. On est encore sous le régime de la haute autorité, qui a quand même réussi progressivement à autoriser des stations, à construire cette bande FM malgré l'anarchie des premiers jours, qui était sympathique, mais qu'il fallait quand même organiser. Et donc, bel et bien, la première radio pour laquelle je collabore, qui s'appelle RFM, qui existe toujours, elle est gérée par une association qui s'appelait Radio Pro. Et au niveau formation, vous en étiez où quand vous avez commencé la radio? Moi, je suis tombé un petit peu dedans quand j'étais petit. C'est-à-dire que moi, la joie de mon enfance, c'était qu'on m'emmène à Europe 1, aux émissions publiques. Donc, je peux tout vous raconter sur la fin des années 60 et les années 70, où mes parents m'emmenaient à assister aux émissions publiques. Donc voilà, donc après, j'ai le parcours de quelqu'un qui est tombé dedans quand elle était petite. Donc, j'ai construit un studio de radio dans ma chambre quand j'avais 12 ans, avec un camarade, on faisait de la radio sur des cassettes. Et voilà, et j'ai la chance d'avoir 20 ans quand la loi va rendre possible, en fin de compte, ce métier qui va sortir des grandes radios. C'est un métier rare, hein, jusqu'en 81, et il s'avère que suite à l'élection de François Mitterrand, c'est un métier qui va s'ouvrir, se développer. Et j'ai la chance d'avoir 20 ans, donc je me suis débarrassé de mon service militaire. Et j'ai eu encore la chance là de rencontrer Patrick Meyer, qui était un grand professionnel de la radio, qui avait travaillé pour RTL, qui avait travaillé pour Radio 7, et qui avait donc créé en 81 RFM. Et donc j'ai eu la chance de le rencontrer, et je suis devenu son assistant. Et 32 ans après, voilà le résultat. Et donc vous n'avez pas fait d'études? Non, je suis passé au travers. Non, j'ai eu le bac. J'ai eu le bac B à l'époque. ES aujourd'hui pour actualiser les données, mais j'ai eu un bac B. Je vais être journaliste pendant des années sur les petites fiches à l'école. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? C'était journaliste à Europe 1. Et donc j'ai écrit ça pendant des années, donc j'étais parti pour être journaliste. Et puis, je n'ai pas fait pour les études, donc voilà. Donc j'ai raté une année, j'ai fait mon service militaire, parce qu'à l'époque, il fallait le faire. Donc je m'en suis débarrassé, et j'étais embarqué par l'aventure des radios libres. Alors, vous avez commencé en tant qu'assistant? Oui. Donc pas d'antenne? Non, ça fait donc 33 ans que je fais ce métier. J'ai dû faire de l'antenne 3 semaines à peu près. Vous, en tant que quoi? En tant que journaliste, je faisais les titres du journal le matin sur RFM, et c'était pas fait pour moi. Moi, j'adorais vraiment tout ce qui allait autour, tout ce qu'il fallait construire autour. Mais je dois reconnaître que le micro ne m'a jamais séduit. Ça n'a jamais été vraiment l'outil d'expression que j'imaginais. J'imaginais beaucoup plus faire les choses autour que de prendre l'antenne moi-même. Vous préférez être derrière? Oui, absolument. J'étais fait pour ça. Alors après RFM, vous y êtes resté déjà combien de temps? Je suis resté 3 ans à RFM, donc progressivement. Les lois sont passées, la publicité a été autorisée, donc c'est un métier qui est devenu... faut savoir d'où on vient. En plus, quand moi j'arrive en 82, la radio est brouillée. Parce que la radio avait démarré un peu trop fort, avec de la publicité, donc interdite par la loi, avec un certain succès, etc. Donc le gouvernement de l'époque avait choisi de brouiller la radio. RFM a été brouillé pendant 423 jours, donc c'était quelque chose d'assez important. Et donc la loi est passée en 80, les autorisations c'est 83, la loi pour la publicité c'est 84, donc c'est à ce moment-là que tout va se professionnaliser progressivement. Et donc je suis resté 3 ans à RFM cette période. Et puis en 85, j'ai rejoint Énergie, J'ai 23 ans et Jean-Paul Baudecrou, qui voit bien que c'est ma passion, c'est mon métier, que je connais tout ça presque par cœur déjà, m'envoie à Toulouse pour lancer Énergie Toulouse. Et donc je m'installe à 23 ans comme directeur d'Énergie Toulouse. Directeur d'antenne ou des programmes ? À l'époque, on n'a pas le satellite, donc tout est autonome. Donc il y a une structure complète avec des animateurs, avec des techniciens. Il s'agit de faire une antenne 100% en direct toute la journée. Donc c'est une structure qui est moyenne. Mais c'est sûr que dès que le satellite va être utilisé par les grands réseaux nationaux, c'est-à-dire une année plus tard, à ce moment-là, les équipes vont s'alléger progressivement. C'est le satellite, c'est la radio nationale qui va prendre le pas. Et les animateurs locaux vont faire uniquement quelques sessions, comme aujourd'hui toujours, d'ailleurs, dans les stations musicales en province. L'essentiel vient quand même de Paris et du satellite. Vous commencez avec des fonctions managériales assez importantes, du coup, pas de stress ? J'ai une bonne énergie, j'avais de l'envie, je savais de quoi je parlais, moi je connaissais ce métier par cœur, enfin voilà, j'étais totalement dans mon univers. Et les équipes sont jeunes, mais je crois me souvenir en effet que j'étais pas le plus vieux, et loin de là. Et donc j'étais dans mon élément, donc dans ce cas-là vous êtes plutôt à l'aise, quoi. J'étais totalement heureux et j'ai pas de stress, non, c'est un truc que je ne connais pas. Vous apprenez beaucoup. Oui, tout de suite, et en particulier à l'époque, parce qu'Énergie avait dans ce type de radio, ce type de format, avait été très précurseur. C'est-à-dire que très rapidement, Jean-Paul Baudecrou, qui est le président d'Énergie, avait fait venir des consultants américains et avait commencé à installer des méthodes de travail qui étaient très différentes. Moi, je me souviens toujours qu'à RFM, quand j'y étais, bon, il y a un animateur en particulier, il faisait ce qu'il voulait sur la programmation musicale, c'était un peu l'idée. Bon, lui, il avait choisi de faire la programmation par ordre alphabétique. Donc le lundi, il passait les A, les B, les C, et puis le mardi, il passait au D, etc. Il faisait toute la semaine comme ça, pour éviter de passer deux fois le même disque. Quand j'arrive chez Énergie, c'est le contraire. Chez Énergie, on a une playlist. C'est-à-dire qu'on a décidé déjà, donc on est en 85, comme font bien sûr les Américains déjà bien sûr depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une playlist, on a vraiment parfaitement défini, cerné la programmation musicale de la radio, et tout ça est déjà très organisé. On passe pas n'importe quel disque à n'importe quelle heure. Il y a des rotations. Enfin, c'est un système qui est vraiment fait pour que les gens tombent sur le bon disque au bon moment. Et donc, ça s'est extrêmement déjà élaboré chez Énergie, ça n'était pas du tout avant sur AFM. Donc en effet, j'apprends beaucoup. Et puis c'est vrai d'être confronté seul à diriger une équipe dans une ville de province où vous êtes parachuté, c'est extrêmement formateur. Alors à Toulouse, vous y restez combien de temps ? Je suis resté un peu moins d'un an. En même temps, j'ai lancé Montpellier. Donc à un moment, j'étais un peu à cheval sur Toulouse et Montpellier. Et puis entre-temps, à Paris, moi j'étais parisien, donc j'étais parti à Toulouse bien volontiers. Mais a priori, j'étais quand même plutôt fait pour être assez rapidement rapatrié. Et donc au bout d'un an, tout ça se chevauche un petit peu, je me suis retrouvé à Paris avec le directeur du réseau qui s'appelait Alain Veil, qui lui avait 24 ans, donc il avait juste un an de plus que moi, et on s'est retrouvé à s'occuper enfin du développement du réseau. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on arrive chez Énergie, il y a une vingtaine de stations. Et donc, bien évidemment, il s'agit que partout en France, on puisse écouter Énergie. Et avec notre bâton de pèlerin, on fait le tour du pays pour récupérer progressivement des fréquences, des radios locales qui veulent devenir Énergie. Et on construit, en fin de compte, un réseau qui, en quelques années, moi, quand je partirai en 91, il y a à peu près 200 stations qui couvrent le territoire. J'ai fait, grâce à cette expérience extraordinaire que m'a laissé faire Max Guazzini et Jean-Paul Baudecrou, j'ai fait tous les lancements de toutes les stations Énergie entre 86 et 91. C'est un travail énorme de longue haleine d'aller chercher les émetteurs, d'aller chercher les radios dans chaque région. Oui, il y avait une petite équipe de développeurs, après de gens qui suivaient la gestion, parce qu'il y avait des filiales, donc vraiment des sociétés qui appartenaient au siège. Il y avait aussi des franchises, donc des gens qui étaient indépendants. Mais moi, j'étais vraiment chargé de construire le réseau et d'aller de ville en ville comme ça pour assurer un bon démarrage de la station et qu'elle parte aux normes en fin de compte du réseau qui était Énergie. Donc un travail de développement que là vous apprenez, c'est encore différent, c'est un autre travail que l'antenne en elle-même. Oui, pareil, vous voyez, je suis dans l'accompagnement en fin de compte des éditeurs, des animateurs, des gens qui savent choisir des disques. On vient autour de ces métiers-là pour les mettre en valeur, pour faire en sorte qu'on ait une bonne diffusion, des bonnes équipes bien formées, qu'on sait de quoi on parle, qu'on choisisse la bonne musique. Il y a toute une série, enfin vous le savez comme moi, de fonctions qui sont cachées, qui n'apparaissent pas comme ça à l'antenne, mais qui font en sorte qu'à la fin la radio fonctionne. Alors, après énergie, que se passe-t-il? Alors, après énergie, j'ai l'opportunité, en fin de compte, de prendre mon indépendance. J'avais déjà fait 6 ans chez énergie. J'avais 29 ans. Je sentais qu'il fallait en effet peut-être faire autre chose. Bon, entre-temps, en plus, il y avait eu Chérie FM, il y avait eu Rire et Chanson qu'on avait aussi développé en province. Donc voilà, on était au bout d'une petite histoire. Et donc, il y avait sûrement d'autres opportunités ailleurs qui me permettaient de bien rebondir. Et là, je suis devenu consultant indépendant. Donc j'ai pris mon indépendance et j'ai réussi à travailler pendant 2 ans et demi et pour Europe et pour RTL. Donc j'ai appris les risques parce que j'avais quand même créé ma structure, donc j'étais indépendant. Et je travaillais pour Europe 2 à l'époque, l'ancêtre de Virgin Radio, sur les activités de promotion, de communication locale. Donc je me baladais partout en France, j'avais une bonne connaissance du territoire, donc c'était parfait. Et je les assistais surtout comme leur communication, leur promotion. Et puis je traversais l'avenue Montaigne parfois, puis j'allais chez RTL. Et là chez RTL, eux, ils avaient un autre problème, ils lançaient un réseau national qui s'appelait M40, dont le président était Alain Veil, qui avait quitté Énergie avant moi et qui était donc à RTL. Et là, il s'agissait de lancer une radio nationale qui s'appelait donc M40, qui est devenue par la suite RTL 2. C'est pas mal du tout ça. Il va falloir passer donc à l'étape RMC, mais avant cela, on va passer la pause musicale que vous avez choisie. Qu'est-ce que vous avez choisi et pourquoi ? Alors j'ai choisi Claude Nougaro, Bidonville. Il s'avère que mon premier job, en fin de compte, RFM, je l'ai eu chez Claude Nougaro. C'est-à-dire que j'étais invité une soirée, j'étais fan absolu de Claude Nougaro. Et quelqu'un m'a invité un jour, me dit « Tiens, il y a l'anniversaire d'une amie chez Claude Nougaro, est-ce que tu veux venir ?» J'étais fou de joie, j'avais 20 ans. Et donc je me suis retrouvé dans cette belle maison qu'il avait à Montmartre, à passer la soirée. Donc j'étais fou de joie d'être dans l'antre de mon mentor. Et comme un fan, j'étais terré dans un coin, et puis dans l'autre coin du petit jardin, puisqu'en fin de compte, il y a un patio dans cette maison magnifique, et il y avait Patrick Meyer qui était le directeur d'RFM. Et moi, j'étais en fin d'été, en train de terminer mon service militaire, et voilà, et je lui ai foncé dessus, ça a passé 2 heures, je lui ai pourri sa soirée. Pour se débarrasser de moi, il m'a dit, venez visiter la radio. J'ai été visiter RFM et je suis resté. On l'écoute et on revient dans un instant. Faut se pousser, les gosses jouent, mais le ballon, c'est une boîte de sardines bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Que roi est gros. Regarde-la ma ville, elle s'appelle Bidon. Bidon, bidon, bidonville, me tailler d'ici, à quoi bon? Pourquoi veux-tu que je me perde dans tes cités? À quoi ça sert? Je verrai toujours de la merde, même dans le bleu de la mer. Je dormirai sur des millions, je reverrai toujours bidon. Donne-moi ta main, camarade, toi qui viens d'un pays où les hommes sont beaux. Donne-moi ta main, camarade, j'ai 5 doigts moi aussi. Croire égaux. Serre-moi la main, camarade, je te dis au revoir, je te dis à bientôt, bientôt, bientôt, on pourra se parler camarade. Bientôt, bientôt, on pourra s'embrasser camarade. Bientôt, bientôt, les oiseaux, les jardins, les cascades. Bientôt, bientôt, le soleil dansera camarade. Bientôt, bientôt, je t'attends, je t'attends. Toujours sur Fréquence Protestante dans la mécanique des ondes, aujourd'hui notre invité pendant une demi-heure est Franck Lanoux, directeur délégué du groupe Next Radio TV, directeur général de RMC. Alors justement RMC, on va y revenir très très rapidement, puisque à partir de quelle année, dans quelles circonstances surtout, vous arrivez à RMC, cette radio ensoleillée à Monte Carlo? Alors il s'avère que le RMC avait été racheté au tout début de l'été 2000 par le groupe Énergie. Moi, j'avais quitté Énergie depuis très longtemps. Par contre, Alain Veil, lui, était retourné chez Énergie et travaillait aux côtés de Jean-Paul Baudecroux et de Max Guazzini. La radio a été rachetée par eux, par Énergie, au tout début de l'été. Et il s'avère qu'il y a un seuil de concentration, il y a une loi, en fin de compte, qui empêche un acteur de cumuler comme ça à l'infini les radios, les télévisions, les émetteurs. Et donc, moralité, il y avait un choix à faire au sein du groupe Énergie, de savoir s'il devait se débarrasser de quelques fréquences ou voire d'une radio. Voilà. Et en fin de compte, Jean-Paul Baudecroux a décidé, après avoir racheté RMC au début de l'été, de la revendre. Et il n'avait pas le choix. S'il voulait garder Nostalgie, Chérie FM, Rire et Chanson, Énergie, il devait se débarrasser d'une des radios. Il a choisi, en fin de compte, de revendre celle qu'il venait d'acheter. Et donc Alain Veil, qui était donc numéro 3, était chargé, après l'avoir acheté, de la revendre. Et en fin de compte, il a eu l'idée de le faire lui-même. Et donc c'est comme ça qu'avec des fonds d'investissement, il a pu quitter Énergie et racheter RMC. Et alors pour consolider, parce que nous on était restés en lien d'amitié depuis donc 85, on se connaissait depuis 15 ans. Il m'a appelé, il m'a dit qu'est-ce que tu penses de cette idée. Je l'ai plutôt encouragé. Et un mois après, il m'a rappelé pour me dire c'est fait. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'on le fasse ensemble. Donc je me suis retrouvé comme ça à quitter mon job d'indépendant. J'ai toujours cette activité de consultant et pour intégrer la structure RMC en décembre 2000. C'est sur cette anecdote que commence votre livre « La deuxième vie de RMC » paru aux éditions du Rocher. Un livre impressionnant avec un petit carnet de photos où on voit l'évolution de la radio. Pourquoi cette envie d'écrire ce livre ? Ben moi j'ai conscience, moi je connais encore, je vous ai dit ça fait 30 ans que je fais ça, c'est mon métier, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je sais ce que je vis. Moi j'ai une chance formidable d'avoir pu vivre toutes ces années, d'avoir pu épouser en fin de compte l'évolution d'un secteur quasiment depuis l'origine, et donc je sais la chance que j'ai. Et très sincèrement, l'histoire d'RMC, ce qui a pu être fait avec les équipes, etc., elle est extrêmement intéressante. Et moi, ça m'intéressait de l'écrire. Je n'avais jamais écrit de livre. Et donc, je trouvais que l'exercice était intéressant. Et je me suis dit, là, tu as un sujet, il n'y a que toi qui peux raconter ça, tel que tu l'as vécu de l'intérieur. Et voilà, donc je voulais mêler, en fin de compte, aussi bien des anecdotes, des petites histoires sur la construction de la radio, que des aspects plus formels sur les aspects marketing, des choix, comment on a structuré la station, comment on a fait les choix de programme. Voilà, donc en fin de compte, c'est un petit guide à la fin de retournement d'une entreprise. Et je trouvais vraiment qu'on avait beaucoup de chance et que moi, quelque part, je devais la partager. Donc vous pensez que c'est un modèle de réussite ce que vous avez fait avec RMC? Peut-être pas exagéré, mais c'est de la radio, vous savez, on n'opère pas à cœur ouvert, on fait même pas décoller un Boeing, hein, donc vraiment ça reste des métiers d'artisans, hein, et là-dessus faut pas se tromper, même si en effet il y a un peu de lumière et que c'est des métiers publics. Il n'empêche que ce sont des métiers d'artisans. Le retournement est assez exceptionnel. Il y a peu de cas en fin de compte de médias qui ont connu comme ça une courbe pareille, c'est-à-dire que dans les années jusqu'à la fin des années 70, c'est un média qui est quasiment en situation de monopole sur la moitié sud de la France, donc c'est un média qui domine, qui s'est retrouvé 20 ans après avec une audience qui est divisée par 6, donc il reste pas grand chose, et de retrouver comme ça une deuxième vie, ça c'est plutôt exceptionnel en effet. Il y a peu de cas de figure, et c'est vrai que nous on a eu l'opportunité, la chance, les moyens, les rencontres aussi, parce que ça a été fait avec une multitude de rencontres, aussi bien de gens qu'on a pu recruter que de gens qui ont travaillé avec nous, et qui fait qu'à l'arrivée, c'est une aventure un peu exceptionnelle. Pas la peine de tirer trop de conclusions sur l'aspect, C'est rare, à défaut d'être vraiment exceptionnel, mais c'est rare. Donc moi, j'ai conscience d'avoir vécu ça, d'avoir été à ma place un acteur, mais il y a plein de gens qui sont responsables de ce succès-là. En tout cas, j'étais peut-être moi le mieux placé pour le raconter, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité. Au début, justement, du livre... Lorsque vous avez repris AMC, vous racontez que vous allez aux États-Unis. Et en fait, c'est un passage assez intéressant parce qu'on ne se rend pas compte en France de l'importance, de l'influence des radios américaines, comme par exemple, donc effectivement, l'implantation de grosses chaînes, alors que ce soit de télévision ou de radio, dans des grosses villes. Vous avez tout appris là-bas. Alors, comment dire, après il faut faire en France, il faut faire avec les Français, avec les lois françaises, etc. Donc, avec le public français. Voilà, donc il y a rien à faire, c'est une source d'inspiration incontestable, et dans notre métier c'est très fréquent. Enfin, je peux vous sortir 10 exemples dans les années 60 ou 70, où déjà des Français partaient aux États-Unis pour aller voir ce qui se passait là-bas. Donc là-dessus, il n'y a rien à faire, c'est une source d'inspiration. Après, il faut savoir le faire à la mode française, il y a plein de choses qui ont été importées des États-Unis qui se sont plantées en France, donc je veux dire, c'est pas en soi une garantie de succès. Mais c'est les champions du marketing, c'est les champions de la communication, c'est leur domaine, c'est leur culture, c'est un très vaste pays, ça s'appuie sur des marchés locaux, donc en plus qu'ils sont très challengés, ils ont fait toutes les erreurs que nous on peut éviter demain, donc c'est bien d'aller voir eux comment ils ont construit en fin de compte ces métiers-là, sur lesquels ils ont incontestablement une avance historique, et donc c'est source d'inspiration, le copier-coller n'est pas systématique, et on apprend des choses. Voilà, on apprend aussi une dynamique, on apprend certaines formes du rêve américain sur la capacité comme ça à se projeter devant, à se mettre en danger, à prendre des risques, à être enthousiaste par rapport à ces expériences-là. Et donc là, c'est sûr qu'il y a beaucoup à apprendre toujours. Le copier-coller n'est pas systématique. C'est toujours un modèle, le modèle américain ? Écoutez, est-ce que ça n'a pas changé de pays? Non, mais ils vont extrêmement vite. C'est vrai que nous, on va toujours un peu moins vite. Ça peut être parfois des erreurs d'importer des idées trop rapidement. Il n'empêche que, par exemple, sur l'internet, ils ont pris le pli encore plus vite que nous, bien évidemment. Et donc là encore, il y a des modèles qui se bouleversent. La consommation de l'information aujourd'hui se fait très différemment qu'il y a quelques années. Ne serait-ce que, par exemple, le simple fait que la radio était l'instrument exclusif de la consommation de l'information dans la journée. Si vous voulez une information instantanée dans la journée, il n'y avait que la radio qui pouvait le faire. Aujourd'hui, vous avez de l'internet, vous avez des applications. Les gens ont des ordinateurs au bureau, ils peuvent consulter des sites d'information. Il y a BFM TV, des chaînes d'information, vous avez des alertes qui arrivent toutes seules dans votre téléphone. Bref, là où la radio a été exclusive pendant 50 ans sur la consommation de l'information, aujourd'hui, elle l'est plus. Donc il n'y a rien à faire. Il faut être capable de s'adapter. Et là aussi, les Américains se retournent extrêmement rapidement. Donc ce sont des modèles dont il faut toujours aller chercher de l'inspiration. Jean-Jacques Bourdin, Les Grandes Gueules, Brigitte Lahaie, vous l'expliquez très bien dans votre livre, ce sont des marques de RMC. Il y a effectivement ce côté marketing que vous revendiquez entièrement, et je le respecte, mais est-ce que la radio doit être marketée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres paramètres à prendre en compte? Et effectivement, l'importance du public, l'importance de l'auditeur. Alors oui, il y a des règles de marketing, mais il y a plein d'autres choses. Non, mais le marketing, ça veut précisément dire public et auditeur. Le marketing, c'est un marché. Des transcriptions directes en français. Le marché, c'est quoi? C'est parce qu'il y a d'autres acteurs, il y a d'autres radios qui font un travail et que vous devez trouver dans un paysage qui est occupé par d'autres une place. C'est le marché. Donc c'est des mots qui font parfois un peu bizarres, mais il y a rien à faire. Quand nous on arrive en 2000, qu'il faut relancer RMC, on est les derniers. La radio, la marque est plutôt abîmée, il y a très peu d'audience, donc il faut reconstruire totalement quelque chose. Si on reconstruit, on part d'une feuille quasiment blanche, si ce n'est les trois lettres, et il n'y a plus qu'à reconstruire quelque chose de totalement neuf. Si vous espérez le succès, si vous avez envie de tenter quelque chose, vous devez le faire en tenant compte des autres. Donc c'est ça le marché, c'est ça le marketing. C'est de dire comment je vais faire pour que ma radio rencontre un public au milieu des autres qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ont des moyens considérables, qui ont des belles marques, qui travaillent depuis des années. Moi, je pars d'une feuille blanche ou quasiment, et je dois reconstruire tout ça. Et donc, il n'y a rien à faire. Vous faites attention aux autres et vous faites attention au public, aux clients, aux auditeurs, en l'occurrence, qui doivent vous écouter. Le marketing, c'est ça. C'est rien d'autre que ça. Et après, allez demander à tous nos journalistes que vous avez cités dans quelles conditions ils travaillent chez nous. Vous allez voir qu'ils sont pas terrorisés par du marketing. Par contre, ils ont conscience qu'ils ne sont pas seuls à faire la radio dans ce pays. Ils ont conscience qu'il y a des auditeurs de l'autre côté de la radio et qui font la radio avec eux. Et c'est là où, en effet, bah, tout le monde, quelque part, est en pris aujourd'hui de marketing, sans que ce soit un mot, une insulte ou un mot qui les empêche de travailler librement, bien au contraire. Franck, là, nous, on passe au questionnaire rapide. Quelle radio vous réveille le matin ? RMC. Quelle radio vous endort le soir ? RMC. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? La voiture. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Je crois pas. Il y en a aucun. Vous écoutez tout le temps la radio ? Non, j'écoute pas tout le temps la radio, mais il n'y a pas d'endroit particulier où j'écoute pas la radio. Je peux l'écouter partout. Oui, c'est vrai. Votre meilleur souvenir de radio ? Bah, c'est le prochain. C'est-à-dire, c'est la rentrée prochaine. On va s'amuser. C'est difficile, non? J'en ai plein, vous avez bien compris. Je sais pas. C'est quand on monte des opérations, des coups. En effet, le débat entre Ségolène Royal et François Bayrou, entre les deux tours de la présidentielle, c'était un moment très fort. Quand on a réussi à faire venir le président de la République, au mois de mai, dans nos studios, c'est quelque chose qu'on espérait depuis longtemps. Il a accepté, il est venu passer une heure. C'était un très bon moment. Voilà, c'est quand on est, c'est quand on est en phase, en fin de compte, avec l'époque, la période, qu'on a l'impression vraiment d'apporter quelque chose. Ça, c'est toujours des bons moments. Et votre pire souvenir ? Le pire souvenir, on n'a pas eu le temps de le raconter tout à l'heure, mais il y a un moment dans mon expérience, j'avais pas le job que je devais avoir dans une entreprise qui était en phase de mutation et je ne suis pas resté longtemps. Un seul conseil à donner à ceux qui veulent consacrer leur avenir aux médias radio. De s'intéresser à tous les médias, parce que très sincèrement, je sais pas dans quelques années ce que tout ça va devenir. La technologie, l'internet a bouleversé beaucoup de choses. On consomme la radio partout, tout le temps, mais on a aussi besoin de beaucoup d'images aujourd'hui. Donc il y a rien à faire. L'image se produit aujourd'hui quasiment comme la radio. La radio, c'était jusqu'à présent le média le plus facile à construire, le plus facile à produire et le plus facile à consommer. La télévision est en train de s'approcher de ça aussi. Donc il y a rien à faire si on s'intéresse à la radio. Moi je conçois très bien et moi j'ai fait ma vie là-dedans. À l'évidence, il faut aussi s'intéresser aux autres parce que ça a bougé beaucoup encore. Donc il faut être plurimédia, il faut s'intéresser à tout. Ouais. Il faut avoir les yeux partout et tout le temps. L'invité précédent qui était Christian Spitz vous pose une question. Est-ce qu'il pense un jour effectivement être la première radio de France et pourquoi ? Parce que voilà, c'est une question tout à fait intéressante et qui s'inscrit dans un paysage de globale défiance de la population vis-à-vis des gens qui ont le pouvoir qu'il soit politique, financier ou médiatique. Et ça a été dit encore récemment. Donc est-ce qu'il pense un jour être la première radio et pourquoi ? Alors Christian Spitz qui a fait partie d'RMC, qui connaît bien la maison. Qui a participé au démarrage d'RMC avec nous. Écoutez, on en a les moyens, on en a les épaules, il n'y a aucun souci. Ce qui nous manque, c'est les fréquences. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. J'ai le sentiment, en effet, qu'on pourrait un jour buter sur un plafond de verre où je vois très bien ce qui se passe au travers. Mais il n'y a rien à faire. Il y a 55 agglomérations en France de plus de 100 000 habitants. 55. Il nous en manque 18. Ce qui n'est pas du tout le cas des autres radios. Et donc, en effet, on nous compare aux autres en termes de puissance, malheureusement, on n'a pas la même distribution. Et donc, pour l'instant, si on n'a pas les mêmes chiffres, c'est uniquement à cause de ça. Mais quelque part, on mérite déjà le statut de grande radio de France. Si on avait en effet la même distribution que les copains, on jouerait sérieusement dans les eaux des copains. On en revient au combat sur le terrain, finalement ? Oui, c'est important. Il y a beaucoup d'auditeurs qu'on va chercher avec les dents. Moi, je dis pas comment je le fais toujours, mais parfois, il faut aller chercher sur le terrain. Et oui, on passe du temps sur le terrain. Ouais. Et la proximité, c'est important. Alors, je rappelle votre livre pour tous ceux qui veulent découvrir l'histoire de RMC. La deuxième vie de RMC de Franck Lanoux, paru, bien sûr, aux éditions du Rocher, bien évidemment. Franck Lanoux, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir. Et à très bientôt. Alors, RMC, bien sûr, c'est sur la bande FM et Fréquence Protestante également. Excellent après-midi à toutes et à tous.